Chapitre 6e. Arrivé au campement du capitaine vers le milieu de la nuit, Thabuaka avait rôdé sous la forêt jusqu'à l'aube. Vite convaincu qu'Escovedo ne s'était pas éloigné de ses compagnons, il avait attendu patiemment une occasion favorable. L'Espagnol la lui avait fournie en descendant seul explorer la rivière. Déjà une heure, moitié nageant, moitié marchant dans l'eau, plongeant quand il se croyait entendu, le fils du sorcier suivait le capitaine. Il ne se hâtait pas de l'attaquer, parce qu'il souhaitait surtout de le prendre vivant, sûr d'être ainsi mieux accueilli d'Anacoua. Or, cette capture pouvait bien ne pas s'accomplir sans risque. Tout au moins, Escovedo crierait à l'aide, et l'Indien préférait attendre, le laisser s'éloigner assez pour que son appel ne fût pas entendu. Au moment où, du haut de son arbre, l'Espagnol avait aperçu Thabuaka, ses pieds, l'ajustant comme un agouti au repos, Thabuaka n'avait pas l'intention de lui décocher sa flèche. Il ne le visait que pour effrayer. Il voulait lui prouver qu'il le tenait en son pouvoir et l'amener à une capitulation. Quand il vit qu'Escovedo sautait à terre, il tira, résolu à lui immobiliser le bras droit. Il le manqua. « Ah, vipère !» criait l'Espagnol. Transporté de colère, son premier mouvement avait été pour tuer l'audacieux Indien, mais il réfléchit qu'il gagnerait peut-être à n'abaisser son épée que plus tard. Est-ce qu'il aurait osé cette attaque s'il s'était enfui tout seul? Y a-t-il donc eu complot parmi les captifs? Voilà ce qu'il serait bon de savoir. Il n'avait fallu à Escovedo qu'une seconde pour tirer cette conclusion. Il tenait toujours à la gorge Thabuaka grimaçant sous cette étreinte et sous la menace de l'épée. Il le regarda bien dans les yeux et lui demanda en lui désignant la forêt du regard « Tes frères sont là ?» Sa question s'acheva dans une exclamation de stupeur. Glissant entre ses doigts comme un serpent, l'Indien venait de lui échapper et de plonger dans la rivière. « Tu n'y gagneras rien !» gronda le capitaine. Il nageait déjà à sa poursuite, rageusement. « Mais quoi ? Comment savoir de quel côté fuyait l'Indien ? Sur quelle rive il allait reparaître ? » Il regardait en vain l'eau rapide, aucun mouvement suspect ne la ridait à contre-courant. Il s'arrêta, furieux. Tout en remettant son épée à la ceinture, il se demandait « Où est-il ? » La réponse ne se fit pas attendre. Avant qu'il eût eu le temps de la répéter, l'Indien émergeant derrière lui lui avait sauté sur le dos. Thabuaka se cramponnait, lui serrant les reins de ses jambes. En même temps, de toutes ses forces, il lui pesait sur la tête pour l'enfoncer sous l'eau. Une lutte terrible commença. Comme le taureau qui bondit à travers les jungles, emportant le tigre attaché à sa nuque, l'Espagnol faisait des efforts inouïs pour échapper à ce furieux enlacement. Il plongeait dans l'espoir de lasser son ennemi. Mais il n'arrivait qu'à user ses forces, à hâter son asphyxie. L'Indien respirait sous l'eau bien plus longtemps que lui. Il se sentait pris aussi définitivement que le poisson sous l'épervier. Enfin l'air manqua à sa poitrine. Ses mains, qui tâchaient en vain de dénouer celles de Thabuaka, lâchèrent prise. Un bruit pareil à celui d'une cataracte emplit ses oreilles. Il comprit que c'était la mort et s'abandonna, désespéré. Alors, l'Indien le prit par un pied, le ramena au rivage, lui ficela les membres avec quatre tours de liane, et l'ayant coiffé de son chapeau ramassé dans l'herbe et chargé sur son dos comme un fagot, remonta le long de la rivière dans la direction des roches d'or. Il riait silencieusement. Attaché la tête en bas et secoué par la marche rapide de l'Indien, Escovedo rejeta vite l'eau qui lui obstruait la poitrine. Il recommença bientôt à respirer, puis ouvrit les yeux et fut assez longtemps à se rendre compte de ce qui lui arrivait. Enfin, l'aspect de la rivière facilitant ses souvenirs, la fuite des arbres dont il ne voyait que la cime et les liens qui le serraient, l'avertissant de sa position, il acheva de comprendre et comprenant, il se reprit à espérer. Il songeait. Sans le savoir, l'imbécile m'a justement suspendu de telle façon que je ne pouvais manquer de revenir à la vie. Il ne sera pas dit qu'il m'aura sauvé en vain. Avec son sang-froid ordinaire, il jugea que la plus sûre tactique pour vivre était de faire le mort. Il remarqua que l'Indien remontait la rivière et devait approcher du campement. « C'est tout ce qui peut m'arriver de mieux, » conclut-il. Il n'était qu'un peu gêné maintenant par cette posture, mais en vérité, avait-il le droit d'être si exigeant? Il devait, l'un portant l'autre, approcher des mines, car il entendait des voix, des cris. Cris singuliers. On nous dit moins le bourdonnement de pionniers qui travaillent que le tumulte de soldats qui combattent. L'idée qui était venue la veille à l'inquisiteur le traversa. Est-ce une révolte des prisonniers? À ce moment, Tabuaca s'arrêtait. Il déposa son fardeau et, le retournant, mit Escovedo sur ses pieds, puis l'appuya contre un arbre. Vivement, Escovedo avait fermé les yeux. Il restait là, inerte. L'Indien le secoua et, lui touchant les paupières, lui cria « Regarde !» Le geste aidait à comprendre l'ordre. « Diable !» pensa le capitaine. « Il me sait donc vivant. Il m'avait donc guéri exprès. Dans quelle intention ?»« Nous verrons. En attendant, il me semble qu'alors je peux regarder. » Un tel mugissement emplissait la montagne que la tentation était bien vive. Il y céda. Il ouvrit les yeux. Et tout de suite, il regretta de ne pas être mort. Escovedo se trouvait sur la lisière de la forêt, en face de la mine attaquée ce matin par ses hommes. Et une bande d'Indiens, trois fois plus nombreuse que sa troupe, tirait sur les Espagnols épouvantés. Des flèches empoisonnées, non pas une, ne manquait le but. À la tête de ces Indiens était la belle Anacua, qui les encourageait de s'écrier de son exemple. Elle avait eu vite raison de la brigade des inquisiteurs, où la panique s'était mise dès le premier moment, et dont la fuite avait semé la forêt de cadavres. Le poète, payant son idée de sa vie, était mort, atteint au front sur le terrain découvert où il avait recommandé de s'abriter. Quant à Don Toribio, il était tombé les premiers, les pieds embarrassés dans une liane. Anacua lui avait ouvert la poitrine d'un coup de javelot, et c'est en blasphémant qu'il vomit son âme. Une fois le massacre achevé, Anacua avait chargé quelques Indiens de scalper les victimes et de leur crever les yeux, de ramasser leurs armes et d'en charger les chevaux repris aux étrangers. Après quoi, elle s'était dirigée en hâte du côté du sud, à la recherche d'Escovedo. Les prisonniers délivrés marchaient avec elle. Galingari les suivait à distance, toujours tenu à l'écart, toujours muet sous les injures. Venu devant le sorcier, Anacua avait levé son arme avec un regard terrible, puis son bras s'était abaissé et elle avait dit « Qu'on respecte la vie de cet homme !» En dépit de sa moue méprisante, elle s'était éloignée, songeuse. Le calme du vieillard l'avait-il surprise? Pensait-elle à son fils, si différent de lui? Arrivée en vue du campement une heure avant l'aurore, les guerriers placés à l'affût dans le bois, elle avait attendu que les compagnons du capitaine se fussent mis à l'ouvrage. Son plan était simple. Elle pensait qu'ils laisseraient leurs armes au bivouac pour attaquer la mine. Ce qui eut lieu, en effet. Les Espagnols n'avaient pas cru utile d'établir des sentinelles. Ils comptaient, pour les avertir, sur l'aboiement des chiens qui les avaient suivis. Mais le calcul était mauvais. En sentant approcher les Indiens, les chiens, flairant leurs anciens maîtres, n'aboyèrent pas. Et quand elle sortit de la forêt, montant vers la mine, Anacua laissait le bivouac derrière elle. Une ligne d'Indiens armés séparait les Blancs de leurs armes. Leurs pioches étaient leur seul moyen de défense. « Nous laisserons-nous tuer ainsi ?» grondaient-ils. Ils essayaient de faire rouler des rochers sur les assaillants, mais les blocs étaient trop lourds à remuer ou trop menus. Ils ne se déracinaient pas ou dégringolaient inoffensifs. Les flèches sifflaient toujours et ils tombaient comme des mouches. Les Indiens qu'ils avaient amenés avec eux, profitant de la confusion, s'étaient désentravés les uns les autres. Ils achevaient les morts maintenant et attaquaient par derrière ceux qui s'obstinaient à la résistance. La situation n'était plus tenable. Enragés, quelques-uns se ruèrent en avant pour tâcher de franchir ce cercle qui se resserrait toujours. C'était courir au-devant de la mort. Au bout d'une heure de lutte, il ne restait plus de vivants que Manassé, qui, blotti derrière une roche, appelait désespérément Escovedo à son secours. Les flèches pleuvaient autour de lui sans l'atteindre, et il se figurait pouvoir tenir là jusqu'à ce que le capitaine revînt, persuadé que le capitaine le sauverait. Aussi, quand il aperçut Escovedo lié comme une gerbe, il comprit que tout était fini, que ses rêves étaient des rêves. Il promena un regard navré sur cette montagne d'or, dont il n'emporterait pas une once, et sortant de sa cachette, il s'offrit au cou. Il tomba, hérissé de traits, grinçant des dents. Cette mine à peine entamée, qui avait été son lit pendant quelques heures, était devenue son tombeau. Les Indiens sautaient de joie, acclamant la belle guerrière. Libre! Ils étaient libres. Leur terre lavée de la souillure des envahisseurs. En quelques jours, armés seulement de flèches de roseaux, ils avaient anéanti ces guerriers redoutables qui se défendent avec l'éclair. Leur dispersion facilitant leur défaite, tous les visages pâles avaient disparu devant les possesseurs de l'île, comme la paille dans le feu. Les acclamations redoublèrent quand, s'étant retourné à l'appel de Tabuaca, ils reconnurent Escovedo chargé de liens à son tour. « Vivant ! Il est vivant !» cria Anacua. Il tendit la main avec un sourire au vaillant fils du sorcier. « Maintenant, en route » ordonna-t-elle. Ganagari marche le dernier de tous. Bientôt distancé, il reste en arrière et personne ne prend garde à lui. Son fils n'a pas paru le voir. La fatigue et la honte l'accablent. Bien des fois déjà, il est tombé à terre, à bout de force. Il sait que le chemin est long, depuis la rivière aux paillettes jusqu'au village où est né Anacua. N'importe, il y veut aller. Il y veut retrouver ce fils qui le dédaigne. Il veut lui parler une heure. Après quoi, il mourra, s'il plaît, à Tamou. Il se relève encore et se hâte, chancelant. Hélas, il n'a pas fait la moitié de la route, et comptant les jours sur ses doigts, il pense qu'à 7 heures, les guerriers arrivent à leur tribu. Ce sont eux, en effet. Les vieillards, les femmes et les enfants, qui étaient restés dans le village, sans nouvelles, et qui tremblaient pour eux, les ont vus apparaître sur la colline. Les voilà, balançant les trophées de la victoire, les armes et les chevelures arrachées au visage pâle. Gloire aux vaillants! Anacua court à son père. « J'ai déjà bien vengé mon époux, lui dit-elle, mais jamais de quoi le mieux venger encore. » Elle montra Escovedo, toujours chargé de liens, et qui supporte impassible les regards et les outrages. « La fête du soleil approche, ajoute-t-elle, je veux la célébrer chez vous. Ce jour-là, après que nous aurons rendu en torture à cet homme tout ce qu'il a fait souffrir à nos frères, j'écraserai sa tête de ma main sur la pierre des sacrifices. Ce faisant, j'accomplirai le serment que j'ai juré au cacique et à son fils. Après quoi, je pourrai tenir la parole que j'ai donnée à Tabuaca. » Après elle, tous les guerriers, à commencer par le fils du prêtre, viennent défiler devant le capitaine. Ils lui annoncent, en les figurant par des gestes, les tourments que chacun d'eux lui réserve et contre la durée desquels il devra armer son énergie. Anacua ajoute à cette liste la menace du lit de torture dont les visages pâles leur ont appris l'emploi. Il conclut, féroce, « Tu es brave, ton âme est indomptable, et tu ne voudras pas, en fuyant, avoir l'air de redouter ses supplices, je le sais. » De son poignard, elle tranche ses liens. « Tu es libre, » dit-elle. « Ta bravoure, tu la prouveras en restant ici, à attendre patiemment la fête du soleil. » Escovedo était brave en effet. Tant que nul revers ne pouvait le surprendre, et qu'ayant vu 100 fois la mort en face, il n'avait jamais tremblé. Mais cette perspective de devenir pendant une journée le jouet d'une tribu, altérée de vengeance, le faisait frémir jusqu'aux moelles. Il ne se sentait pas armé de la constance nécessaire. De l'audace, on pouvait lui en demander, de la témérité aussi. Il n'avait pas cette force de résistance à froid. Sa chair se révolterait, il en était sûr. Il donnerait à ses bourreaux le spectacle de sa faiblesse, il en était sûr. Et pourtant, il ne voulait pas que cela fût. Mourir, d'ici là, pas d'autre moyen. Mais comment mourir? Mourir de faim? Il n'en avait pas le temps. 2 jours seulement le séparaient de la fête. Il n'arriverait qu'à diminuer ses forces. Libre en apparence, il se savait étroitement surveillé. Il semblait que ses gardiens eussent deviné son projet. Car ils ne le laissaient pas approcher du rivage de la mer, ni monter sur les rochers du haut desquels il eût pu se précipiter. On lui avait repris son épée. Il tendit tous ses efforts à se procurer une arme et perdit la première journée en ruse, aussi vite déjouée que conçue. Il avait abouti seulement à se faire surveiller avec plus de soin encore. Le matin du 2e jour, il se réveilla avec une idée. Il avait constaté de quel œil curieux, presque sympathique, une toute jeune fille, sœur d'Anacua, le considérait. Et il se rappelait lui avoir vu entre les mains un couteau primitif mais redoutable, assez semblable à un tranchet de cordonnier avec lequel elle se taillait un sifflet dans un roseau. « J'aurai ce couteau, » se dit-il, « dussé j'y employer la journée. » Avec 4 branches liées d'une herbe, il lui confectionna une sorte de poupée grossière qu'il reçut avec des yeux ravis. Puis au bout d'un moment, il lui fit comprendre, de l'air le plus naturel du monde, que si elle voulait bien lui prêter son couteau, il lui en taillerait une beaucoup plus belle. Tout cela en jouant, et préparé par les manières les plus aisées, une parfaite insouciance, un visible plaisir d'amuser cet enfant. Enfin, elle lui donna le couteau qu'elle alla chercher tout exprès. Escovedo reçut l'arme souhaitée sans un frémissement. Il semblait avoir oublié que quelques heures le séparaient de la mort. Ceux qui l'entouraient paraissaient n'y pas songer davantage. Alors, souriant et plaisantant, il se mit à sculpter pour sa petite amie un pantin dont l'aspect la plongea dans l'extase. Mais au moment où il étendait le bras pour se plonger dans le cœur, la lame libératrice, une main de fer l'arrêta. Ses deux bras venaient d'être immobilisés à la fois. Tabuaca, qui ne perdait pas de vue ses mouvements, avait compris son dessein. Il lui arracha son arme et immédiatement lui fit lier les quatre membres avec de solides nœuds de liane. Le capitaine venait de tuer son dernier espoir. Il passa la soirée, frémissant, entouré du ricanement des femmes qui le reprochaient sa lâcheté, trouvant dans leurs insultes une raison d'être brave. Mais quand vint la nuit, la dernière qui le sépara de la mort, quand il vit Tabuaca s'installer à ses côtés pour dormir, sa force l'abandonna. Il eut, plus amer que jamais, le sentiment de la prestigieuse richesse et de l'omnipotence qu'il allait perdre. Il comprit qu'il allait expier le tort d'avoir trahi Colomb. Il se mit à pleurer amèrement, en pensant qu'à quelques heures de là, 10 de ses compagnons reposaient dans le fort du promontoire, soldats énergiques dont la moitié eût suffi à le sauver. Le sommeil l'accablait, mais il ne fermait les yeux que pour se voir entouré de ses victimes, changées en tortionnaires. Il voulut dormir pourtant, oublier. Il essayait de régulariser sa respiration. Soudain, il se réveilla en sursaut. Il lui semblait qu'on lui touchait la tête. Son supplice allait-il déjà commencer? Il eut un mouvement pour étendre le bras, oubliant que ses bras étaient liés. Stupeur, ses bras étaient libres. Ses liens, qui donc les avait tranchés? Une petite main se posa sur sa bouche, comme pour lui recommander le silence. Escovedo reconnut la jeune sœur d'Anacua. Épouvanté à l'idée du sort qui attendait son ami le visage pâle, l'intrépide enfant avait résolu d'empêcher la vengeance que rêvait sa sœur aimée. Les larmes aux yeux, elle montrait à Escovedo un cheval tout prêt à l'emporter, lui remettait son couteau, moins comme une arme que comme un souvenir d'elle, et le suppliait par geste de s'enfuir en hâte. À ce moment, Tabuaca se retourna d'un geste brusque et la jeune fille frémissante courut se blottir dans sa case. Cette fois, Escovedo n'attendit pas pour utiliser son arme. Avant que Tabuaca ne fût tout à fait réveillé, d'un coup terrible, il la lui planta dans le cœur. Le fils du sorcier eut un soupir, ses bras se soulevèrent, puis un frisson le secoua, et ses membres se raidirent. Il était mort. « Allons !» se dit le capitaine. Autour, rien de suspect. Tout le village dormait. Avec ce calme prodigieux dont il avait le secret, Escovedo se demanda s'il ne négligeait aucune précaution préliminaire. Il jeta un regard sur les huttes qui l'entouraient, reconnut parmi les trophées amoncelés auprès du carbet, son mousquet à lui, une arme légère et sûre à laquelle il tenait. « Il doit être chargé encore, se dit-il. » Il l'était en effet, il s'en empara. Tout à côté séchait un costume de chasse en peau destiné à un chef et dont la couleur sombre le tenta. Il le prit, pensant que sous cette tunique foncée, il serait aperçu moins aisément qu'avec son éclatant uniforme. Et sûr, cette fois, de ne rien oublier, il sauta à cheval et s'enlaça du côté du sud à l'assaut des collines qui le séparaient du fort. Son cœur maintenant battait avec violence. À grands coups de talon, il poussait sa bête qui dévorait l'espace. Quand il fut arrivé au premier gradin des collines, il se retourna et l'entendit le village plein de cris.